nzone buso bali balongo zelende jokane lunge buso bali ndolango adunde babeno na biju mawazamba nyolange babeno na nini mabulamba nyolange mabulamba bobe mawazamba myambo adu abulamba mbungu mawazamba problem mabulamba ave Samba histoire, tu vas pour ma pungu. Samba problème, pas pour la maison. Pas pour ça. Dis-moi, d'abord, ça va nous donner. Problema.